l'accent yen. Le mal nous poursuit. Titan, frontant. Chaque jour la lutte m'affaiblit. Les rafales du malfrat. Je suis prêt au piège. La vie un putain de duel mal. Le bien et mal se mêlent. Et nos actes deviennent vite des pèlerinages sur les boulevards du diable. Hey. J'essaie de fuir vite, loin au large vide. Mais le vice me rattrape, les nerfs ravivent. Regarde le mal nous afflige jusqu'à la mort, c'est la fuite. Esprit en cas, la gorge nouée à la corde. Hey, chaque jour on stop, non-stop, contrepassé non-stop. Les hyènes et les lions à domptables, personne pour stopper mon staff. C'est triste, le mal au trou, c'est j'tire des gros staff. Écoute, c'est juste un constat. Constamment dans la merde, ça reste constant. Tu sais bien qu'ici, y'a pas de perche constant. Les responsables n'attendent pas de réponse tente. On va tout faire pour que les armes restent au stock. Hey. Le mal au trou, c'est le stress, nous collons basket. J'cours, j'm'y souffle, tu sais, j'en ai à la casquette. L'État nous braque pour pas dire qu'il nous raquette, mais t'inquiète. T'inquiète, nous, on sera pas la proie cette fois. J'ai le mal au trou, c'est le stress, nous collons basket. J'cours, j'm'y souffle, tu sais, j'en ai à la casquette. L'État nous braque pour pas dire qu'il nous raquette, mais t'inquiète. Tatsuyen, d'ici dans le mal au trou. J'ai plus rien, moi, si les blêmes collent au basket. Voilà la pro. Pourtant, on a essayé d'éviter les trains. J'ai séché mes larmes avant de plier mes frères dans les draps. Dans les draps. Et j'ai serré les miens dans mes bras. Ouais. Le mal me poursuit. Avec son mandat d'arrêt, je suis essoufflé. Regarde la poussière sur les tuis. Non, faut pas que je craque. Faut pas qu'on baisse les bras, frère. Avant que le soleil vienne éclairer nos âmes. J'ai beau espérer mes gentures. Subir jusqu'à en périr. Délinquance, turbulence dans l'intempérie. Guette. Fais le bien par intérêt. En terre païenne. Dans l'autre putain de péril. Viens un bien par intérêt. Boy. Écoute bien, résonne l'impact de la balle. Avec le mal, j'essaie de briser le pack. Si le bateau chavirman retient la barre, c'est la pénurie du bien. Ça a l'air perduré grave. Hey, le mal au trou, c'est le stress, nous collons basket. J'cours, j'm'y souffle, tu sais, j'en ai à la casquette. L'État nous braque pour pas dire qu'il nous raquette, mais t'inquiète. T'inquiète, nous, on sera pas la proie cette fois. J'ai le mal au trou, c'est le stress, nous collons basket. J'cours, j'm'y souffle, tu sais, j'en ai à la casquette. L'État nous braque pour pas dire qu'il nous raquette, mais t'inquiète. Tatsuyen, d'ici dans le mal au trou. T'sais, ça vient d'en bas, j'ai mal, j'peux pas dire que j'm'en bats. J'me bats chaque jour le même combat. J'ai mal, t'sais, j'parle peu ou j'parle pas. En plus, faut que j'parle peu, j't'en parle pas. J'suis la proie, la pas, la passe, monsieur à chaque pas. Et suis des larmes, moi j'tire la putain d'alarme. Partout ça crame, partout les drames affluent. Et pour ça, j'ai mal. Lyrical, Marie, mais mon âme, mon putain de vacarme. Écoute mon art, je m'en empare avant que le mal ne m'entame. Dans la vie, j'suis un mec bon ni un mec mauvais. Non. J'suis juste un rapzar retiré de leur mouvement. En équilibre entre le bien et le mal. J'suis toujours en cavale pour pas être dans le haram, frère. J'me suis déjà sauvé, ma foi sous le bras. Et sous mon toit, le diable veut condamner mon âme. Boy, caché dans un port, regard au ballon. Le mal pèsera dans la balance. Hey, le mal au trou, c'est le stress, nous collons basket. J'cours, j'me souffle, tu sais, j'en ai à la casquette. L'État nous braque pour pas dire qu'il nous raquette, mais t'inquiète. T'inquiète, nous, on sera pas la proie cette fois. J'ai le mal au trou, c'est le stress, nous collons basket. J'cours, j'me souffle, tu sais, j'en ai à la casquette. L'État nous braque pour pas dire qu'il nous raquette, mais t'inquiète. Tatsuyen, d'ici dans le mal au trou. Le mal au trou, c'est le stress, nous collons basket. J'cours, j'me souffle, tu sais, j'en ai à la casquette. L'État nous braque pour pas dire qu'il nous raquette, mais t'inquiète. T'inquiète, nous, on sera pas la proie cette fois. J'ai le mal au trou, c'est le stress, nous collons basket. J'cours, j'me souffle, tu sais, j'en ai à la casquette. L'État nous braque pour pas dire qu'il nous raquette, mais t'inquiète. Tatsuyen, d'ici dans le mal au trou.